Et là, accès à une expérience qui manifestait cette fusion unitaire qui existe au ciel, dans la transcendance divine, dans cette conversation entre le Fils et le Père. Et la mémoire de cette prière du Fils au Père s'est gravée de telle manière dans leurs esprits que nous avons le texte de cette prière devant nous. Ici, nous sommes sur Terre Sainte. Et bien sûr, ils ont prêté oreille à cette prière. Ils sont aperçus que pendant les dernières heures de sa vie, il pensait à eux. Il priait pour eux. Le fardeau qu'il portait, c'était pour eux, représentant bien sûr autour de lui de l'humanité. Ils sont aperçus qu'ils priaient pour leur protection. En effet, ils savaient qu'ils allaient avoir besoin de protection. Protection contre quoi ? La persécution, la disette, le besoin, la souffrance. Protection pour qu'il soit puissant, pour qu'il soit toujours en bonne santé, vivre dans l'abondance, qu'il soit sexy toute leur vie. Protection pour quoi ? Chapitre 17. Verset 11. Je ne suis plus dans ce monde. Ça y est, c'est fini. Mon ministère est terminé. Je m'en vais. Hein. Je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils restent dans le monde. Et je vais à toi. Enfin, je reviens vers toi, Seigneur. Mon Dieu, mon Père. C'est ce qu'il dit là. Mais Père Saint, garde en ton nom. Il invoque le nom divin, là, donc c'est très sérieux. Ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. La prière ultime du Sauveur à la fin de son ministère, avant son retour dans la communauté céleste, la prière ultime de notre Sauveur est pour qu'il existe dans la communauté sur terre le même sens d'unité fusionnaire qu'il existe depuis toujours dans le ciel. Et ce n'est pas là une idée passagère dans l'esprit du Christ. Voyez au verset 20, où il dit, ce n'est pas seulement pour mes disciples immédiats ici que je prie, mais aussi pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, tout au cours des âges, génération après génération, jusqu'à nous. Génération présente. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Quelle est la prière du Christ ici? C'est pour que la communauté que Dieu a créée au début soit rétablie. Que les intentions divines dans la création soit réhabilité dans l'ordre de la rédemption. C'est ça la rédemption. Le régime du salut, qu'est-ce que c'est? C'est le retour aux intentions originales de Dieu, originelles de Dieu, dans la création. Et remarquez ici au verset 21, Jésus dit que si ses disciples, ceux qui succéderont aux apôtres, ne sont pas un, il s'agit surtout de l'Église locale ici, là où il y a des communautés qui relèvent du nom du Christ, que s'ils ne sont pas un comme le Père et le Fils sont un, le monde ne croira pas en lui. Jésus dit ici que l'évangélisation du monde est fonction de l'existence authentique de la communauté dans l'Église. L'Église joue la comédie en tant que communauté, le monde n'est pas atteint. Voilà ce dont il s'agit ici. Et puis il insiste, c'est un peu embarrassant. C'est comme si Dieu le Père ne comprenait pas. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit du fardeau qu'il porte. Verset 21, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Tout ce que tu m'as donné, je leur ai donné, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Et qu'ainsi que le monde connaisse que tu m'as envoyé. » Oui, c'est lourd ça. C'est lourd sur son cœur. Et puis le lendemain, vous savez ce qui s'est passé. Parlons-en un peu de cette croix qui s'est dressée le lendemain. Je ne vais pas vous faire une théologie de la croix, ça va être très simple. Nous allons simplement considérer la composition, la forme de la croix. Deux poutres. Il y en a un qui est vertical. Le Nouveau Testament l'appelle l'arbre, parfois. Et nous savons très bien, en tant que chrétiens, ce qui s'est passé sur ce tronc vertical. Nous savons que le Fils de Dieu est mort, qu'il a répandu son sang pour le pardon des péchés. Et à ce moment-là, transaction divine s'est opérée entre ciel et terre. Dieu, dans l'infinité de sa gloire, de sa sainteté, sa droiture, sa majesté, sa souveraineté, Dieu, au travers de son Fils qui mourait sur cette croix, a réussi à nous atteindre, nous, les humains, enfoncé dans notre péché, dans notre perdition. Et il a, de ce fait, il s'est réconcilié ses pécheurs avec lui-même. Donc, la dimension verticale de la croix nous parle de la réconciliation avec Dieu, qui est toujours une démarche individuelle, soutenu par la communauté, mais ce n'est pas quelque chose que la communauté peut faire pour l'individu. Il faut que chaque personne vienne auprès au pied de la croix, que chaque personne tende la main vers cette réconciliation pour s'apercevoir qu'il y avait déjà là une main tendue pour la recevoir, la sienne, qui est la main de la grâce de Dieu. Ça, c'est le message de la croix, le message le plus important de la croix. Mais dites-moi voir, est-ce que cette poutre verticale, est-ce que ça constitue une croix? Absolument pas. Il manque quelque chose, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui manque? Eh bien, la dimension horizontale de cette croix. Et que s'est-il passé sur cette poutre? Eh bien, nous le savons, c'est lorsque le Fils de Dieu était en train d'expier les péchés du monde sur cette poutre, ses bras étaient attachés à cette dimension horizontale de la croix et des clous étaient administrés à ses mains. Et il nous est dit, qu'au moment où le Christ était en train de mourir, que le Christ a pu, à cause de cette poutre horizontale, a pu aller vers tous ceux qui cherchent la réconciliation avec Dieu, afin de les prendre à lui, de les attirer ensemble, d'en faire un corps, d'en faire son Église, la communauté éternelle, qu'il aime comme un homme aime son épouse. En effet, le Nouveau Testament enseigne très clairement que lorsque Jésus est mort sur la croix, il n'est pas seulement mort pour sauver des pécheurs individuels, mais qu'il est mort aussi pour former la communauté. Écoutez, vous qui étiez jadis éloignés les uns des autres, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ça, c'est la croix. Car il est notre paix entre nous. Lui qui a fait de la fragmentation, qui n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié qui existait entre nous, il a anéanti par sa chair. Dans sa chair, encore une référence ici à la croix. Il est venu créer en lui-même du morcellement de la chute un seul homme nouveau, en établissant la paix entre nous, en réconciliant les uns et les autres en un seul corps, vous voyez l'union fusionnaire ici, avec Dieu, par la croix. Bien sûr, je suis ici dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 13, et ce n'est pas le seul enseignement de cette nature dans le Nouveau Testament, où il nous est dit clairement que Christ est mort non seulement pour nous sauver des péchés, mais que le Seigneur est mort pour nous sauver de la non-communauté et pour nous rassembler ensemble dans cette union fusionnaire qui était le but de sa création dès le début. Et pour la fin de l'histoire, je vous propose d'aller dans le livre de l'Apocalypse. Vous vous débrouillez formidablement. En moins d'une heure, vous êtes passé de Genèse chapitre 1 à la fin de la Bible. Chapitre 21. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Alors un grand trou noir géant et tout ce qui existe aujourd'hui dans notre monde, dans notre univers, les galaxies, les systèmes solaires et tout ça, les astres, les planètes, tout ça a disparu. Et au lieu de cette réalité qui avait été polluée par le mal, par le péché, par la mort, au lieu de cette réalité, il y a maintenant quelque chose de nouveau, tout à fait nouveau, nouveau ciel, nouveau terre. une création vierge de tout mal. Et il n'y a qu'une chose dans cette création nouvelle. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. De quoi s'agit-il ici? Il ne s'agit certainement pas de la ville puante et couverte de sang, là-bas au Moyen-Orient, remplie de meurtres et de violences. Il ne s'agit pas de cette ville, il s'agit ici de la nouvelle Jérusalem, de la ville sainte qui vient de Dieu, des mains de Dieu. C'est sa création. Et c'est l'épouse. Si nous en doutons, il suffit d'aller au verset 9, où l'ange lui dit, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » C'est clair. Et verset 10, « Il me montra la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. » Voilà la finalité de l'histoire. Lorsque tout est fait et tout est dit, lorsque la dernière page de l'histoire humaine a été écrite et le livre fermé, il n'y a qu'une réalité qui est transférée de ce monde pour déboucher sur l'éternité, et ça, c'est la communauté qui a été recréée en Christ. Tout le reste disparaît. Alors dites-moi, est-ce que c'est important de faire l'Église en tant que communauté? Bon, rapidement, tirons quelques conclusions. D'abord, d'où vient la communauté? Eh bien, la communauté n'est pas une invention humaine. J'espère que vous en rendez compte. Hein? Vous le saviez déjà. On n'a pas besoin de moi, c'est évident. La communauté n'est pas une invention humaine, une espèce de convention pour faire marcher les choses. La communauté n'est même pas une invention divine. Ce n'est pas comme si Dieu avait voulu la communauté. La communauté, dans son essence première, est ancré profondément dans qui est Dieu. La communauté provient de l'essence même de Dieu. Alors, il faut faire attention, hein, il n'y a pas à tergiverser, là. La communauté découle de qui Dieu est. Deuxième conclusion. Si, à la fin de l'histoire et débouchant sur l'éternité, il ne reste que la communauté, dont je crois que nous avons le droit de dire que la communauté est la chose la plus importante que Dieu fait dans l'histoire. Vous croyez pas? En fait, non, j'ai mal écrit là. Je dois me corriger. La communauté n'est pas la chose la plus importante que Dieu fait dans l'histoire, mais il me semble que Dieu fait beaucoup de choses dans l'histoire humaine. Mais que si la communauté est tout ce qui reste de l'histoire dans l'éternité, donc la communauté, en fin de compte, est la seule chose que Dieu fait par le truchement de l'histoire, à travers l'histoire. La seule chose. Bon, s'il en est ainsi, troisième conclusion ici, de vivre l'Église en tant que communauté n'est pas notre décision, n'est pas un choix à prendre ou à laisser. Mais c'est une obligation Et dans ce sens, l'Église est communauté ou l'Église n'est pas. Dans cette perspective, quelle est l'intention du salut individuel? Bien, il me semble qu'on peut dire avec assurance que le salut individuel n'est pas une fin en soi, mais que Dieu sauve afin d'intégrer les pécheurs pardonnés dans la communauté nouvelle, pour justement former cette communauté nouvelle qui est ce qui reste de l'histoire, éventuellement. Bon, mettez vos ceintures, là, retenez-vous parce que je vais vous choquer. Et c'est exprès. Voici ce que je vais vous dire. Et Jésus n'est pas mort pour sauver les pécheurs. Ça, c'est l'hérésie pure et simple, n'est-ce pas? Bon, je redis, Jésus n'est pas mort pour sauver les pécheurs. Jésus est mort pour sauver les pécheurs afin de les intégrer ensemble dans la communauté éternelle qui est l'Église. Vous voyez, nous en restons souvent au premier tronçon de ce que je viens de dire. Alors que le but ultime du salut, c'est de restaurer la communauté qui est à l'image de Dieu. Et cette communauté, où la trouve-t-on? Eh bien, lorsqu'on ne parle que du salut de nos âmes, on ne la trouve pas. Parce qu'il y en a qui sont là, il y en a qui sont là, là et là et là. Mais lorsqu'on prend le sens complet et profond de la croix, des deux dimensions de la croix, nous nous retrouvons tous dans cette dimension de la réconciliation avec Dieu et la réconciliation les uns avec les autres. Donc, juste au cœur de la croix, c'est là qu'est notre union fusionnaire. Et cela, c'est clairement indiqué dans la Bible. Et inutile de parler de réconciliation avec Dieu si nous ne sommes pas réconciliés dans la communauté. Les deux commandements, Jésus a dit, c'est d'aimer Dieu parce qu'il nous a aimés d'abord dans cette réconciliation et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et il a dit, ils vont ensemble, il n'y a pas à les séparer. Mais dites-moi, pourquoi dans nos églises, dans les églises que je connais, et ça m'étonnerait que les églises ici dans le Canada francophone ne soient très différentes. Pourquoi, au lieu de laisser cette croix comme elle est, nous la détruisons, nous en faisons un démantèlement? Prenant cette poutre horizontale, nous la mettons là en parallèle avec l'autre, et puis nous nous approchons les uns des autres, et nous nous posons des questions qui détruisent la croix et cette unité que nous trouvons aux deux dimensions de la croix. Des questions comme, es-tu pasteur là-haut ou es-tu laïc ici? Es-tu un consacré, ordonné, ou bien es-tu congrégation, membre de la congrégation? Es-tu instruit en théologie, ou bien es-tu stupide ici? Es-tu super spirituel ici? Ou bien es-tu un chrétien qui doit, qui, comme Billy Zichon ici, lutter tous les jours pour... Et puis souvent, considérons les ethnies que nous représentons. Hein? Je ne veux pas savoir quelle est la vôtre, ici peut-être, et puis quelle est la mienne peut-être ici. Ou bien la différence qui est la plus apparente, es-tu homme ici ou es-tu femme ici? Oui, à toi se racler la gorge. Es-tu une personne à succès dans le monde? Ou bien es-tu un de ces perdants paumés, laissés en compte? C'est là que nous devons nous retrouver. Oui, ces questions-là, elles viennent de l'enfer. Elles détruisent la communauté. Bon, on a commencé un peu tard, on finit un peu tard. Quelles sont les instructions? Ben, il reste encore des choses à faire, mais je te vois là-bas qui tient debout. Tu me culpabilises. T'es sûr? Bon, eh bien, vous voyez ici que... rapidement. Oui, j'allais dire, je suis en train de parler continu ici, mais j'aime pas faire ça parce que j'aime bien être disponible, et puis j'aime mieux discuter que discourir. Ce que je comptais faire, c'est à la fin des trois autres séances, c'est laisser assez de temps pour pouvoir avoir des questions. Mais s'il y a une question qui vous brûle les lèvres, là, allez-y. Ben oui. Ça, encore une distinction ici, une de ces différences qui nous détruisent. Es-tu du même bord que moi en ce qui concerne la compréhension de la vérité? Ou bien est-ce qu'il y a des différences d'opinion qui nous séparent, qui doivent nous séparer? Et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il arrive qu'on détruit cette unité qui est là. Eh bien, non, je ne suis vraiment pas en colère, ça, c'est un petit accident. Quoi qu'on devrait l'être tous. Écoutez, il y a de quoi se mettre en colère, là. Oui, alors vous voyez ici les petits groupes. Quelle est l'expression concrète de cette vie communautaire dont nous parlons? Alors là, c'est le pratique. Eh bien, ce n'est pas le culte en commun, quoique le culte, l'adoration est très importante pour la vie de l'Église, parce que c'est là où nous nous rencontrons avec Dieu, et puis nous recevons de Dieu et nous lui donnons, mais au culte, il n'y a pas de rapport qui sont établis entre individus. Il n'y a pas de rapprochement entre les participants. Au culte, vous êtes assis plus ou moins comme vous l'êtes maintenant, comme si vous étiez à l'école. Vous voyez? Et vous contemplez essentiellement le dos de la personne qui est devant vous. Et puis le pitre, moi, ici, qui fait sa petite affaire, là. Bon, c'est une expérience communautaire qui doit exister, qui est valable, mais ce n'est pas tout. D'après le Nouveau Testament, il y a beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a ces conventicules, il y a ces cellules, ces groupes de maisons, je ne sais pas ce que vous les appelez, qui étaient tellement chers au cœur du Christ. Lorsqu'il est venu, la première chose qu'il a faite, c'est d'établir autour de lui une petite communauté de 12 personnes. Et vous savez très bien que dans cette petite communauté, il y avait une mini-communauté de 4 personnes dont il faisait partie. Et en cas de besoin, de crise, de besoin de prière, etc., ils étaient tout de suite ensemble pour se soutenir les uns les autres. Et ensuite, il a dit, dans l'avenir, lorsqu'il y aura 2 ou 3 personnes qui se réunissent ensemble dans mon nom, eh bien, j'y suis. Je ne peux pas m'empêcher, j'y suis. Pourquoi? Pourquoi il aime les cellules, les petits groupes? Eh bien, à l'origine, c'est ce qu'il est dans la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Vous voyez, les petits groupes, ce n'est pas une invention de Chicago qu'on est en train de pousser. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu pour former l'Église dès le début, dans le livre des Actes, ils se réunissaient ça ensemble au temple, c'est-à-dire dans la cour du temple, où il y avait l'espace pour beaucoup de gens, pour faire l'adoration ensemble. Mais jour après jour, ils se réunissaient où encore? Dans les maisons, pour ce rapprochement, pour établir ces connexions entre eux, qui n'existent seulement que lorsqu'on peut se regarder les yeux dans les yeux, qu'on peut se toucher, qu'on peut toucher la vie de l'autre, qu'on peut partager la vie les uns des autres, qu'on peut se soutenir l'un et l'autre dans le combat spirituel, et puis aller de l'avant ensemble. Oui, ça, c'est essentiel pour la vie de la communauté, ce n'est pas un luxe. Bon, ça y est.